Vous êtes à l'écoute de CKRL 89.1 pour l'émission La vie en BD. Ce vendredi, double regard en route vers le salon Nouveau Genre. Regard sur l'autopublication avec Fred Aune et Mathieu Labrecque. Et également, on en apprend un peu plus sur un projet BD porté par l'Assemblée nationale du Québec. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Et tel qu'on l'a mentionné d'entrée de jeu, on ouvre l'émission avec un regard sur le salon Nouveau Genre. Alors, ce sera en première partie, en deuxième partie également, en question de donner l'excuse, si on peut dire, d'aller à la découverte de créateurs indépendants et surtout qui donnent du côté de l'autopublication. Alors, on aura deux bons exemples, je crois, à découvrir au fil de l'émission d'aujourd'hui. Alors, ce sera tout à l'heure avec Fred Aune, en deuxième partie avec Mathieu Labrecque. En fin d'émission, on aura donc les responsables de ce projet bande dessinée. Vous avez peut-être vu ça passer sur Facebook, donc l'Assemblée nationale qui, en route vers 2017, lance un appel de projet pour une bande dessinée autour d'événements historiques politiques du Québec. Alors, on en apprendra un peu plus sur ce projet, sur les choix qui ont mené aussi, c'est surtout ce point-là qui va nous intéresser, qui ont mené ces artisans vers justement le choix du 9e art comme médium. Alors, on va en jaser avec Magali Paquin, qui est un peu la responsable du projet, et l'expert conseil Michel Giguère. Alors voilà pour le menu de l'émission d'aujourd'hui. Et sinon, mais dans l'actualité, on parle évidemment toujours du Grand Prix de la critique ACBD 2015. Les 5 finalistes ont été dévoilés le week-end dernier. Alors après la liste de 15 qu'on vous avait fournie la semaine dernière. Alors voilà, c'est Catharsis de Luz chez Futuropolis, Ici de Richard Maguire chez Gallimard, Le Piano Oriental de Zeina Abirached chez Casterman, Tungsten de Marcello Quintanilla, c'est ça et là, et enfin Zai Zai Zai Zai de Fab Caro chez Six Pieds Sous Terre, qui sont donc les ultimes finalistes en route vers le dévoilement du Grand Prix au début du mois de décembre. Autre liste longue qui a été dévoilée la semaine dernière, c'est celle du prix Artemisia, 20 albums retenus par le jury, j'y vais rapidement. On parle des Voyeurs de Gabriel Bell, d'Hiver Rouge d'Anélie Furmac, Nora de Léa Mazé, Le Jardin de Minuit d'Edith, Glenn Gould, Une vie à contre-temps de Sandrine Revel, Fatherland de Nida Bunjevac, Gisolde de Kumsuk Jandri Kim, Le Piano Oriental de Zeina Abirached, Mourir, ça n'existe pas de Théa Rojman, Comment naissent les araignées de Marion Laurent, L'année du crabe d'Alice Baguet, Point de fuite de Lucia Bianchi, Génération mal logée de Yatou, Petite niaiseuse de Sandrine Martin, California Dreamin' de Pénélope Bagieux, Ma vie est un best-seller de Corinne Mayer et Aurélia Orita, Flora et les étoiles filantes de Chantal Van Der Heuven et Daphné Collignon, Largué de Brouleur, Chédru et Grisseau, Pieds nus dans les ronces de Lisa Zordan, et enfin Pretty Deadly d'Emma Rios et Kelly Sue de Coninck. Alors voilà donc les 20 finalistes, et encore là, le récipiendaire se sera annoncé prochainement, on parle du 9 janvier 2016, et comme à l'habitude, ben, ce sont des listes, je crois, qui font office de belles suggestions lecture. Vous n'avez pas eu le temps de noter tout ça, et bien sachez qu'elles sont toutes sur mon blog voir.ca/Raymond-Poirier. Et enfin, dernier élément peut-être avant d'aller en musique. La radio a choisi le récit de Franz Duchazo pour la radio RTL parmi les albums désignés BD RTL du mois. Alors voilà un autre grand prix, celui donc RTL la bande dessinée 2015. C'est La main heureuse de Franz Duchazo, paru aux éditions Casterman, narrant le voyage en deux fans charentais de Mano Negra qui décident de partir en mob pour un concert à Bordeaux. On dit du côté du jury, et j'ouvre les guillemets, que La main heureuse est un album doux, poétique et drôle, porté par une musique explosive, une musique qui a permis à Franz Duchazo de trouver la joie de vivre qu'il cherchait en vain. Un hommage à tous ceux qui ne se contentent pas de rêver leur liberté, mais la vivent. Beaucoup d'entre nous s'y retrouveront. Alors voilà, donc La main heureuse, prix RTL, la bande dessinée 2015. Alors voilà, pour ces notules, on part maintenant en musique. La formation qui nous accompagnera tout au long de l'émission, c'est Drosnix avec leur album Chiptune Girl. On écoute un premier extrait de cet album qui s'intitule Poppy Flower Girls. Toujours à l'écoute de La Vie en BD. On vous rappelle d'ailleurs que toutes les émissions sont disponibles en balado-diffusion sur lavieenbd.wordpress.com. Et maintenant, avec nous en studio, on a le plaisir d'avoir donc, quelqu'un qui est bien connu, je pense, dans le domaine de l'autopublication à Québec. Beaucoup, beaucoup d'albums à son actif. Fred Owen, bonjour. Enchanté. Alors, je disais, en fait, beaucoup d'albums, en fait, en a à peu près une vingtaine à géométrie variable. Certains plus longs, comme ton dernier, Il Rode, autour d'une centaine de pages. D'autres, autour d'une dizaine de pages. Qu'est-ce qui t'a amené vers justement l'autopublication? Quand j'étais au secondaire, on avait accès à l'imprimeur de l'école qui nous faisait un bas prix. Alors, dès les années 90, je faisais des bandes dessinées avec mes amis, puis on s'est échangé un peu sous un principe d'échange. Là. Moi, je fais une bande dessinée, je vais t'échanger contre ta bande dessinée de 10 pages à toi. Fait que ça fait longtemps que je baigne dans l'autopublication et j'ai quitté le Québec pour une couple d'années. Là, quand je suis revenu en 2010 au Québec, j'ai vu qu'il y avait un certain engouement envers ça, que c'était devenu un peu plus populaire. T'sais. C'était pas juste, ça se limitait pas juste à des personnes dans une classe d'école qui s'échangent ça. Il y a un certain engouement qui se fait. Il y a des collectionneurs même qui existent dans les événements comme Salon Nouveau Genre qui est la semaine prochaine. Alors c'est ça, je me suis dit, j'aimerais ça faire pousser mes choses plus loin. T'sais, j'ai déjà fait souvent des expositions de peinture. Avant, je faisais des films d'animation. Alors là, je me suis dit, peut-être un nouveau médium que je pourrais exploiter pour mettre mes histoires sous papier au lieu d'être à la télé ou des choses comme ça. Oui, parce que j'imagine, en fait, parce que justement, côté médium, t'en as expérimenté aussi beaucoup. Il y a un plaisir à passer d'un médium à l'autre, à expérimenter avec ces nouvelles méthodes-là, puis à faire émerger, j'imagine, en passant d'un médium à l'autre, d'autres possibilités côté narration, côté visuel aussi. Exactement. Le domaine, le médium de la bande dessinée, je trouve que c'est un super médium pour ça, parce que le lecteur peut prendre le temps. T'imposes pas un rythme, t'as un rythme, mais le lecteur peut allonger le temps, faire des pauses, réfléchir, regarder les dessins. Il peut décider un peu le rythme qu'il fait. C'est un médium qui est assez intéressant. J'aime ça pour pouvoir passer des histoires, surtout la bande dessinée. Et j'ai l'impression aussi, dans certains égards, et je pense qu'on va reparler aussi en cours de route, hein, c'est un peu incontournable, il y a un aspect laboratoire, il y a un aspect expérimentation, dans la mesure où on peut essayer, on peut risquer, peut-être un peu plus dans un contexte de publication comme celui-là. Exactement, on peut risquer beaucoup plus. Comme il y a un de mes amis professionnels en bande dessinée, quand il a su que le livre que j'ai sorti la semaine dernière, Il Aura, qui est en trois langues, tu sais, surtout en anglais, mais moi en tant que personnage, c'est une autofiction, une autobiographie, alors je parle en français dans ma tête, il y a certains personnages qui parlent en danois, ça se passe au Danemark. Alors ça, un de mes amis qui est professionnel en bande dessinée m'a dit « Oh, tu te tires dans le pied, Fred, en faisant ça en trois langues. Là, tu viens de perdre des clients. » Ben, pas des clients, mais des lecteurs. Mais c'est ça la beauté de l'autopublication. On peut essayer des choses comme ça, justement. Et en même temps, ce processus-là, ça me semblait un peu favoriser l'immersion dans la mesure où on imagine, dans ce voyage-là que tu racontes justement dans Il Rode, voyage à Copenhague. J'ai probablement mal prononcé Il Rode d'ailleurs. Je te laisserai le faire correctement tantôt. C'est correct. Mais tu te retrouves, dans le fond, dans une situation situation où tu as parlé en anglais, mais évidemment, tu continues quand même à penser, à réfléchir en français, entouré dans un environnement danois, avec des Russes, des Italiens aussi. Donc, nécessairement, il y a ce métissage de langue-là, puis on se retrouve peut-être un peu plus dans tes souliers. Exactement. J'ai voulu essayer d'avoir l'authenticité du voyage. Tu sais, qu'est-ce qui a été dit en danois, je l'ai laissé en danois dans l'histoire. Qu'est-ce qui a été dit en anglais, je l'ai laissé en anglais. Et juste une note aux auditeurs qui écoutent aujourd'hui, c'est pas un anglais très compliqué non plus. Tu sais, c'est tous les personnages dans ma bande dessinée, c'est pas des personnages anglophones. Donc je me suis limité à un niveau d'anglais assez de base. Eh ben pas de base, mais normal. Et même il y a certaines références à ça dans la bande dessinée. À un moment donné, un personnage dit une expression anglophone, MIA, qui est une expression de militaire pour dire que quelqu'un est absent, qu'on n'a pas entendu parler de cette personne-là depuis un bout. Et l'autre personnage, je sais pas c'est quoi, puis le personnage qui utilisait l'expression, c'est pas c'est quoi, ça veut dire non plus. Puis elle explique, ben je pense que ça veut dire ça. Alors là, je mets les personnages, ça nous montre que même eux, ils parlent pas anglais. T'sais. Ils utilisent des termes qu'ils ont entendus ici et là, puis ils savent pas. T'sais. Et justement, parlant de ce, si on s'intéresse plus largement à cet ouvrage-là, puisqu'en même temps, c'est lui qui vient tout juste d'être lancé, si on peut dire. Alors, en fait, qu'est-ce qui t'a fait allumer que ça pouvait être une bonne anecdote à développer au fil d'une centaine de pages? OK, parfait. Ça fait à peu près 4 ans que j'ai un autre livre en tête. C'est des histoires personnelles que je voulais mettre en bande dessinée. J'avais commencé ça il y a 4 ans avec un voyage. J'ai fait un voyage de pouce en Norvège. OK, j'ai parti du sud de la Norvège, j'ai monté au nord, puis je suis redescendu à Copenhague. On voit une thématique avec la Scandinavie. Et j'avais commencé à faire un récit de voyage, un portrait de personne qu'on a pris sur le pouce. Et au travers de ça, c'était entrelacé. Je voyageais avec ma copine à ce temps-là, et c'était entrelacé de certaines histoires de couple. Tu sais, des fois en couple, tu sais, ça va bien, ça va mal. Puis même si on est en couple, on n'est pas juste une personne. Il y a toujours un côté indépendant. Mm-hmm. Tu sais, puis c'est ça que je trouvais plus intéressant que l'histoire de portraits de pouce de personnes des conducteurs qui nous ont embarqués. Puis là, ben ça datait un peu, 4 ans, cette histoire-là. Puis là, j'ai vécu de quoi cet été en voyage qui m'a semblé assez intéressant comme histoire. Il y avait plein d'éléments clés dans l'histoire qui pouvaient faire une bonne trame narrative. Alors, je me suis dit, ben regarde, je vais prendre de quoi qui ferait à ma mémoire pour faire cet exercice-là de narration puis le mettre en bande dessinée. Et dans le cas de cette bande dessinée, dont je vais te laisser dire le titre. OK. C'est Ilra. Ilra. Ilra. Ilra. Le O avec une barre, c'est E. OK. Puis un D à la fin, ça se prononce avec un léger L. Ilra. Ilra. Mais je suis pas danois, alors je peux pas le savoir. Mais c'est très compliqué. J'espère que plusieurs personnes vont essayer de le dire au Québec quand ils vont parler de ma BD. Et au cœur de cette bande dessinée-là, ben, il y a justement une notion de kick amoureux, si on peut dire, de mini coup de foudre. Exactement, c'est là la base de l'histoire. Et c'est vraiment toutes les dynamiques, dans le fond, entre des amitiés éphémères, au bout du compte, celles qu'on découvre au fil d'un voyage, au bout du compte, là. Exactement, le voyage, ça dépend quelle sorte de voyage qu'on fait. Moi, c'est souvent du voyage en solo, tu sais, avec un backpack dans les auberges de jeunesse. Alors, on vient rencontrer des personnes assez éphémères. T'sais, on rencontre des personnes pour 2 jours, après ça, on passe 2 autres jours à d'autres personnes. Alors, c'est une espèce de bel hommage à ces rencontres de voyage-là, qu'est-ce que je fais dans ma BD. Et c'est marié aussi avec des personnes locales. Il y a un souci, puisque j'ai travaillé plusieurs fois au Danemark, alors je connais des personnes locales au Danemark. Alors, il y a ces deux aspects-là. Il y a les locales de Copenhague, et il y a les personnes en voyage que je rencontre. Et cet aspect-là des personnes locales, j'ai essayé de le mettre authentique aussi. J'essayais de faire en sorte que les bars où qu'on va dans la BD, les vrais bars qu'on a été, les rues, j'essayais de dessiner les vraies rues. Avec des photos, avec recherche visuelle ou? Oui, des fois je me basais de photos personnelles, des fois j'allais sur Google Street View, là. Tu sais, ça c'est la meilleure référence. Ça a l'air niaiseux à dire, mais c'est la meilleure référence pour un BDiste qui veut faire de quoi d'assez réaliste puis que c'est les bonnes places qu'il fait, tu sais. Et nécessairement, mais ça devient aussi une toile de fond, donc l'idée du voyage, de se retrouver à Copenhague, mais en ayant un récit qui n'est pas axé non plus sur le décor, mais vraiment sur les personnages, et même dans j'ai l'impression dans tes choix au niveau visuel, l'accent est vraiment mis sur les humains qui peuplent cette BD-là. Exactement. Si on regarde le nombre de décors que j'ai dans ma bande dessinée, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, c'est juste juste limite là, pour situer les endroits au début des scènes, à la fin des scènes, pour qu'on puisse se situer dans les endroits. J'ai mis plus l'accent sur les relations entre les personnages, comment que ça fait progresser l'histoire. J'ai essayé de séparer ça en scènes courtes aussi, assez courtes des fois. Moi, je suis assez... quand je fais de la bande dessinée, je suis assez fan de... un sujet une page ou un sujet deux pages, tu sais, puis avoir comme une espèce de punch quand on tourne la page. Alors j'exploite beaucoup ça quand je fais de la bande dessinée, et c'est un format assez intéressant, parce que des fois quand t'échelonnes de quoi sur 4 ou 6 pages, ben là tu dis oh, il y a quelque chose là, tu sais, on joue avec le temps, tu sais, on étire le temps, fait que ça vient rythmer la bande dessinée différemment, une bonne ponctuation, tu sais. Et puis en même temps, j'imagine aussi qu'on n'a pas le choix dans le contexte d'une bande dessinée sur ce sujet-là, quand on parle d'amour ou de coup de foudre et le reste, mais d'avoir aussi un accent sur les personnages. Il faut qu'il y ait de la chimie entre les personnages, sinon on n'y croit pas à cette histoire-là. Mm-hmm. Exactement. Alors, j'ai voulu faire abstraction de tous les autres éléments qui n'étaient pas alentour de cette chimie-là, pour essayer de mettre l'accent sur qu'est-ce qui a fait qu'il y a un béguin qui s'est développé envers cette fille-là, tu sais, dans mon histoire, plutôt que mettre l'accent sur des choses un peu futiles. Tu sais, j'ai mis des choses futiles, mais en bout de ligne, toutes ces affaires-là qui n'ont pas rapport avec le kick amoureux reviennent dans l'histoire pour une certaine raison, tu sais. Oui, donc dans le fond, d'essayer de construire un peu autour de ça, puis avec des personnages expressifs aussi, pour qu'on puisse sentir, j'imagine, aussi les regards et le reste. Donc, j'imagine pas mal de recherches visuelles pour essayer de trouver le bon ton, la bonne manière d'animer ces personnages-là pour réussir à rendre ces émotions-là sur la planche. Oui, c'est sûr. Il y a certains moments que les personnages, on peut les voir plus en gros plan, on peut comprendre plus les expressions. Des fois, je joue avec le style visuel aussi. Un de mes amis BDistes de Montréal, François Donatien, m'a dit « Ah, oh, c'est un peu étrange au début, à première lecture, que tu varies de style. T'sais, des fois, tu as un style un peu plus enfantin. Des fois, tu as des gros plans avec des gros traits, des lignes minces à certains endroits. » Mais il m'a fait... Là, il a dit « À ma deuxième lecture, j'ai compris que tu sais ça vient ponctuer un peu, ça vient changer de style. » Puis, tu sais, okay, tu mets l'emphase sur quelque chose quand on voit le gros plan. Puis en plus, le gros plan, on le voit dans un point of view, la première personne, tu sais, fait que ça donne l'impression que c'est que t'es dans les souliers du protagoniste de l'histoire, tu sais. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de variations dans la manière de présenter les choses dans cet album-là. On parlait au départ d'un côté laboratoire. Est-ce qu'il y a un peu de ça aussi là-dedans? Ou... Ben, exactement. Tu sais, si j'avais un éditeur, là, peut-être qu'il m'aurait dit, ça, je suis pas sûr que tu peux faire ça. C'est mieux que tu aies un style continu tout le long, tu sais. Ça, c'est assez expérimental. Comme il y a une partie où que dans l'introduction du livre, que la fille qui me charme dans le livre, justement, elle me charme par une histoire qu'elle me compte. Puis là, ça devient des dessins comme enfantins, qu'on est comme charmé par l'histoire, parce que c'est plus naïf, tout ça. T'sais. Fait qu'on est comme charmé par les dessins, comme moi, j'ai été charmé par l'histoire de la fille. T'sais. Fait que j'ai essayé de varier mon style de dessin pour cette partie-là. T'sais. Oui, puis parallèlement, il y a des séquences de dialogue où on met de côté carrément les plans américains ou les personnages, puis plutôt les têtes qui dialoguent. Les cases, en fait... Tu as choisi de pas mettre de cases de tour, mais parfois de respecter quand même l'équilibre en cases. D'autres fois, on joue avec la forme des planches. C'est très bon l'exemple que tu dis de laboratoire, parce que je pense quand j'ai fait ce bande dessinée-là, je vous le cacherai pas, mais ça a été fait assez rapidement. C'est une histoire que j'ai vécue en août 2015, puis là, on est novembre 2015. Alors, j'ai fait ça en dedans d'un mois et demi, deux mois, et j'avais pas le temps, tu sais, de revenir sur mon histoire, tout ça, de faire des scénarios, de revoir mon scénario. Fait que c'était été beaucoup d'improvisation, tu sais. Je faisais les premières pages, après ça, je scénarisais un peu plus, je faisais les autres pages qui suivaient, je scénarisais un peu plus. Genre de choses qu'on peut se permettre en auto-édition, tu sais. Mm-hmm. Puis c'est pas la première fois non plus, comme que t'as dit au début du segment. Maintenant, c'est pas la première fois que je fais de la bande dessinée. Fait que je suis capable de savoir où m'enligner pour que ça donne peut-être de quoi de bon à la fin, les 120 pages. Mais c'était un peu tricky, tu sais. J'étais pas sûr. C'était pour donner de quoi bon, mais ça a été un peu improvisé tout ça, tu sais, comme faut de page en page, faut se faire confiance énormément quand on fait ça, tu sais. Ça, faire confiance à son instinct, savoir qu'on va réussir à y aller quelque part, où j'imagine aussi, est-ce que des fois on en revient et on dit, finalement ces deux planches-là, ça n'a plus de sens, on les refait, ou... J'ai certaines places que j'ai refait, des cases, pas des planches, mais des cases. Et avec du recul, quand j'ai relu mon ouvrage à la fin, je trouvais que les premières pages, là, peut-être les 5, 6 ou 10 premières pages, fitaient moins. Le style de dessin fitait moins. La manière que c'était fait, ça fitait moins. Puis avoir eu à recommencer, j'aurais tout fait mon ouvrage et après ça, j'aurais refait les pages du début. T'sais. Puis souvent, il y a du monde qui me dit ça. Quand tu commences, quand tu le fais chronologique, ta bande dessinée, souvent, c'est un truc que les BDistes font. Ils vont refaire leur page début pour que ça s'accroche. Ils ont plus de développer de manière de faire le personnage. Ils sont habitués à dessiner leur personnage, alors ils peuvent le refaire à la manière pour que ce soit plus uniforme. T'sais. Oui, puis en même temps, en fait, d'un autre côté, l'absence d'uniformité devient un peu aussi un certain concept, d'une certaine manière. Mais même à la fin, où tu te distances carrément de l'esthétique, dans la mesure où il y a carrément quatre planches à un moment donné, où c'est plus pratiquement d'illustration. On est dans un paysage, en fait, pour décrire un paysage urbain, enfin un espace urbain, et l'action est en détail, si on peut dire, dans cet élément-là, qu'on retrouve après ça sur quatre planches un peu en évolution. C'est comme si, dans le fond, la BD, à ce moment-là, prenait une respiration. Si on parlait de rythme, de variété de rythme, mais ça, c'est un peu sur la fin, un moment d'intensité, un moment de respiration aussi, où on prend le temps de savourer cette intensité-là, peut-être, à la limite. Exactement, puis comme tu dis, c'est un moment clé de la bande dessinée. J'ai voulu attarder plus de détails au décor, plus de détails aux traits, pour qu'on voit que c'est des belles pages, pour que le lecteur se dise, OK, ça n'a pas été fait à la légère, ces pages-là, donc il y a peut-être plus d'intérêt, c'est peut-être plus important pour l'auteur, vu qu'il a passé plus de temps à faire ça. T'sais, c'est très personnel aussi comme histoire, alors on peut faire la balance de tout ça. T'sais. Si j'ai passé plus de temps de page, peut-être parce que c'est plus important pour moi. T'sais. Puis après ça, tout ça, sinon avec un style croqué, avec un style efficace, où on y va avec les éléments, les yeux, le reste, mais dans le fond, surtout pour capter le mouvement, j'avais l'impression. Oui, ben c'est ça. Moi, j'étudie en dessin animé à la base, alors j'essaie d'y aller simple. T'sais, mes personnages, peut-être le coude est mou, c'est juste un tube, le bras, ça dérange pas. Des fois, je vais dessiner les coudes, des fois, je dessine pas. Je vais comme bon me semble, seul, pour qu'on voit le mouvement, pour qu'on voit comme l'intensité de comment que les personnages bougent entre eux. J'essaie de pas faire ça trop réaliste, d'une certaine manière. Et à travers ça, évidemment, c'est dans un récit, donc il brûle. C'est déjà un peu mieux pour les prononciations. Il heureux. Okay. Pense à heureux, tu sais, le mot heureux, quelqu'un d'heureux. Il heureux, dans lequel tu te mets en scène aussi. Donc, j'imagine qu'il y a un plaisir à l'autofiction, à l'autobiographie aussi. Un petit côté journal intime, peut-être même à la limite. Oui, très, très. C'est un médium que j'aime beaucoup, ça. Pas un médium, mais je veux dire, c'est un style narratif que j'aime beaucoup, l'auto-bio. C'est dans les lectures de BD que je fais, c'est dans mes préférés, tu sais, pas de d'autres auteurs. Et c'est peut-être pour ça que ça m'intéresse de moi faire ce style-là. Pour celui-là, Il heureux, c'est assez conforme à ce qui est arrivé. Là. Il y a peut-être quelques éléments que j'ai changé de place pour essayer de que ça soit plus ponctuel ou pour que l'histoire fitte mieux. Mais ça, c'est un bon défi quand on fait de l'autobio. C'est quoi qu'on change, c'est quoi qu'on change pas? C'est toujours une question à se poser qu'un auteur doit aller, c'est jusqu'à quelle limite on peut changer la réalité, t'sais, pour faire plaisir au lecteur, pour que ce soit intéressant aussi, parce que si on fait juste raconter n'importe quoi de la vraie vie, ben peut-être qu'à un certain moment ça va être plate, mais t'sais, ça peut être le fun, ça dépend de la manière que tu le racontes, t'sais. Il y a plusieurs personnes au Québec qui sont super bons pour faire ça. Là. Je n'aimerais pas de nom, mais on en connaît. Là. Oui, puis en fait, on voit que c'est un sujet aussi qui te suit depuis un certain temps. Je regardais juste les titres même de tes autres obligations. Il y en a une, c'est Ma chambre. Ouais. Donc, de 99 à X temps. Donc, ça donne le ton aussi. Exactement. Je peux parler de ça 30 secondes. Oui. C'est un recueil d'illustrations que j'ai faites de mémoire. Il y a peut-être 15 illustrations, que c'est toutes les chambres que j'ai demeurées dans ma vie. Puis je les ai dessinées. À un moment donné, je me suis assis, j'étais dans un café, je me suis dit, je vais dessiner toutes les places que j'ai restées. Fait que j'ai fait une illustration de chaque place que j'ai restée, j'ai fait un fanzine couleur avec ça. Puis c'est ça, moi, je peux nommer un fanzine. Ça, je peux appeler ça un fanzine, puisque tu sais, il n'y a pas d'histoire, puis c'est une petite affaire de 10-15 pages. Puis je vends ça dans les événements. Puis il a été plus populaire que je pensais, étrangement. Puis dans le cas d'Hilreux, on est vraiment plus dans un récit autopublié, 120 pages, 100 pages. Donc, on se rapproche d'un récit professionnel aussi qu'on pourrait retrouver en album. Est-ce que c'est une piste, d'ailleurs, que tu aimerais explorer à court-moyen terme, avec justement ce contact éditeur-là? Totalement. Cette bande dessinée-là, je l'ai faite dans un but, c'est comme d'avoir une carte d'affaires, tu sais, de pouvoir peut-être montrer cette bande dessinée à des personnes plus professionnelles, à des personnes qui sont dans le domaine de l'édition. Tu sais, je dis pas que c'est la meilleure bande dessinée que j'ai faite parce que je l'ai faite rapidement, mais au moins ça donne un éventail, ça donne un exemple de qu'est-ce que je pourrais faire. Puis j'aimerais ça pouvoir pousser plus loin, puis aller justement en édition, là, avoir un ouvrage que je fais, que je travaille, là, que je prends plusieurs mois à faire, puis qui est édité chez un éditeur. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien dans ma vie, là. Et il y a deux opportunités de mettre la main sur cet album-là et de pouvoir dialoguer avec toi aussi autour de l'album. Il y a ce dimanche au McFly dans le secteur de la rue Caron, Saint-Joseph-Est, à partir de 16h, donc pour le lancement officiel. Et par la suite, au Salon Nouveau Genre, donc tu vas être là le samedi 5 décembre à l'église Saint-Fidèle ici à Limoilou. Et sinon, si on veut mettre la main, est-ce qu'il y a d'autres manières que ces deux moments-là aussi de mettre la main sur Hill Roll? J'ai déjà laissé mes publications en librairie. Malheureusement, certaines librairies qui ont fermé, Flacteur, Morgan Bridge, des choses comme ça ici à Québec. Je ne l'ai pas laissé en librairie jusqu'à maintenant. Peut-être je vais le faire. Sinon, il y a plusieurs personnes dans d'autres pays qui m'ont approché pour l'avoir. Et je vais l'envoyer par la poste. Ça coûte cher, mais je vais le faire. Quelqu'un qui voudrait me contacter par mon site web, par exemple, ben je serais prêt à le rencontrer pour aller lui donner. Peux-tu me rappeler l'adresse de ton site web? C'est aulne.tumblr.com. Alors, c'est un Tumblr. Voilà. Alors, aulne.tumblr.com. Fred Aulne, merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. De CKRL, on prend quelques instants pour parler rapidement d'un titre dont je voulais vous faire mention. Je l'ai reçu cette semaine, donc c'est vraiment tout frais, tout récent, et je pouvais pas vraiment passer à côté. Vous avez peut-être vu ou eu l'occasion de lire le blog de Zep sur le site web du journal lemonde.fr, What a Wonderful World. Et bien, en fait, du côté de Delcourt, ils ont décidé d'offrir les pages de ce blog-là en format album, et on parlait tout à l'heure justement avec Fred Aulne de l'intérêt un peu de l'autobiographique, tant sur le point de la réflexion que sur le point de la mise en scène de la vie personnelle et le reste. Et disons que Zep, de son côté, fait ça très, très bien. Alors, évidemment, il y en a plusieurs en France qu'on connaît pour ça, et finalement, on se rend compte que Zep n'a rien à envier à un Boulet ou à une Marion Montaigne, entre autres. Et ben, ça nous amène, oui, dans un style de dessin qui nous fait penser à l'univers de Titeuf, dont il est évidemment l'auteur, mais ça nous amène aussi dans un autre contexte, dans un autre type de réflexion, peut-être beaucoup plus adulte, évidemment, autour de cet univers-là, mais avec côté enfantin, avec un côté taquin peut-être aussi autour de ça. Et donc, visiblement, en fait, Zep prend plaisir à explorer les possibles que lui donne ce médium-là, le blog, à expérimenter avec ce médium-là, à développer des textes qui sont parfois humoristiques, parfois réflexifs, parfois critiques, des prises de position, des anecdotes, des pénis, bref, il y a vraiment de tout dans cet album-là. Et ben on voit donc un mélange de naïveté, de gentillesse, laisse à travers ça un personnage qui est quand même sympathique, donc on se plaît aussi à le suivre. C'est quand même une clé quand on fait de la BD centrée autour d'une personne. Faut qu'on ait envie aussi de prendre entre guillemets une bière virtuelle avec lui à travers l'album. Et évidemment, il y a toujours la question d'adaptation. Donc, quelle manière on réussit à passer du web vers le papier? Et dans le cas de What a Wonderful World, ben le passage se fait bien. Des pages qui sont avec une base colorée, donc il y a quand même une variation. On n'est pas dans le noir et blanc. Il y a ce souci-là aussi qui est pas désagréable. Et des dessins suffisamment gros, suffisamment adéquats, suffisamment viables pour qu'on les lise aussi facilement. Donc, côté mise en page, ça se tient. Et on passe de la vie sexuelle des super-héros, des visites de musées, à des situations en lien avec l'immigration, avec la guerre et le reste. Donc, c'est très varié dans le ton et dans l'ensemble, et avec une belle constance d'un point de vue visuel. Alors, ça en fait un album de type blog à lire si vous avez envie de développer, de poursuivre dans ce genre-là. Alors vraiment, dans le type donc blog autobiographique, je pense que ça va s'avérer être un bel incontournable de cette fin d'année 2016. Alors, on retourne en musique toujours avec Drozryx, en vous rappelant que c'était un petit commentaire sur What a Wonderful World de Zep chez Delcourt. De la vie en BD, Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, un magazine entièrement consacré à l'univers du 9e art. Et cette semaine, on porte une attention toute particulière aux publications indépendantes en route vers le Salon Nouveau Genre. Ça me donne une belle excuse, si on en a besoin, évidemment, pour explorer sur ce médium. Et là, on est en compagnie maintenant en studio avec l'un des artistes qui va être présent sur les deux jours du salon, les 5 et 6 décembre. Il est dans l'illustration, dans la sérigraphie, dans la bande dessinée également. Alors, Mathieu Labrec, bonjour. Allô. Alors, ben peut-être d'emblée, peux-tu nous présenter peut-être un peu l'esprit de ton travail, ta démarche? Je fais l'illustration, la bande dessinée, puis je sais pas trop comment. Ce que j'ai remarqué, c'est que c'est beaucoup un style à caractère un peu géométrique, d'une certaine manière. En fait, tu joues avec les formes. J'ai tendance à justement peut-être juste schématiser les formes, puis ça facilite un peu on peut mieux les contraster l'une à l'autre, jouer plus avec la composition, le rythme, puis. Je pense que c'est plus simple d'aller vers du complexe quand on part de des formes plus simples. Et puis, quand c'est trop chargé, ça devient dedans. On part du temps à, comme justement, à mettre le temps et l'énergie sur. Ce qui me paraît pas, à mon sens, intéressant en BD. Je suis vraiment plus dans. C'est une approche quand même assez proche. Des fois, je me dis que mon processus créatif est assez proche de ce que je fais en musique. Et puis, Il y a un aspect très, très, très, même si c'est un peu éculé, un peu côté design, un côté graphique aussi, justement, dans les formes, dans la manière dont l'encre va occuper, dans le fond, la page. Tout à fait. En fond, c'est vraiment tout le temps, je suis toujours curieux de ce que je peux trouver comme, comme rythme, puis comme on fait jouer avec je sais, c'est vraiment là-dessus que mon œil se dirige. Puis en fait, c'est pas juste un trip là, de esthétique, en fond, c'est aussi comme jouer en fond, en illustration, c'est purement ça. Ben en fait, c'est comme ça raconte autant que l'emploi des mots, en fond, mais je m'intéresse de plus en plus justement à ce qui est un peu moins ma tasse de thé, disons l'aspect plus littéraire dans lequel je me sens un peu moins confortable, mais je me découvre, mais c'est vraiment uniquement via la bande dessinée, en fait, que je trouve que ça prend du sens, parce que la bande dessinée, ouais, ça peut être exclusivement forme, image, en fond autre chose que les mots, même si les mots, ça reste quand même des formes, mais c'est des dessins, ça sera jamais autre chose que des dessins auxquels on donne, justement, on nous a donné, comme on a appris. Oui, en fait qu'on puisse interpréter, dans le fond, la planche autant en tant que telle comme œuvre, si on peut dire, comme illustration, au-delà de l'aspect narratif, dans le fond, qui a une identité visuelle quand on l'observe. Tout à fait. Puis, d'un autre côté, on peut l'observer aussi et la lire d'un point de vue narratif. Donc, je trouvais qu'il y a dans les planches, notamment, qui sont sur ton Tumblr, je trouvais qu'il y avait vraiment cette dynamique-là qu'on pouvait voir. Puis je pense que c'est pas à négliger, parce que justement, c'est d'abord un truc enfin, purement visuel, en fond. Donc, le premier contact que tu as avec, c'est justement l'allure que ça a, en fond, comment ça se tient, comment... Puis c'est pas... Souvent, c'est vraiment une question, c'est pas en mettant... C'est pas avec... En mettant de la poudre aux yeux, puis y aller avec toutes sortes de textures qui peuvent sembler, pour quelqu'un peut-être qui fait moins de dessins, ça peut sembler peut-être impressionnant tout ça, en fond, mais c'est vraiment pas ce qui me charme en général, quoi, que je suis vraiment pas contre. Ça peut être pertinent d'y aller vraiment dans... En fait, j'ai tendance moi-même à tomber des fois dans des trucs qui peuvent sembler un peu comme alambiqués, puis un peu saturés, un peu bruyants, tout ça, en fond, mais il y a toujours un aspect... En fait, c'est jamais la fin du truc, là, c'est comme... c'est jamais... l'emphase est rarement mise là-dessus, puis je pense que... j'essaie vraiment d'éviter de tomber dans ce piège-là, mais en tout cas... Oui. Puis à la limite, même Mathieu Labrec, je me disais, en regardant certaines de tes planches, que tu donnais aussi un beau défi, parce que il y a toute la notion de diriger l'œil du lecteur, et il y a pas vraiment de cases. Des fois, on commence avec des sections un peu plus grosses et plus petites. Des fois, c'est pratiquement une planche, mais en une illustration où on a plusieurs cases, entre guillemets. Donc, c'est vraiment, dans le fond, d'orienter le regard, au bout du compte, donc de... Ouais. C'est presque une chorégraphie que tu nous fais faire en regardant ça. Tout à fait. Puis je trouve que c'est plus propice à l'expérimentation. Je me sens un peu moins coincé dans les cases et tout ça, en fond. Je n'ai fait un. En fait, j'ai sorti un. Cette année, en fait, c'est un recueil essentiellement de strips. Enfin, je pense que ça contient pas la moindre case. Celui d'avant, c'était un peu. Ça, en fait, à chaque planche, ça a changé complètement de direction. Il y avait des cases que je tenais à faire de manière un peu plus classique, je peux dire, en tout cas, avec l'emploi de cases. Puis j'aimais bien faire ça, mais là, plus que ça allait, plus que je trouvais que ça se prêtait plus vraiment. Les cases étaient comme trop tard, j'avais trop fait de trucs qui fonctionnaient autrement. Puis. En fait, il y a s'il y a des cases, sont vraiment comme, on arrive quasiment à les sentir. En fond, il y a quand même une structure, il y a une grille, mais la grille est constamment expérimentale, contrairement à d'autres. J'avais fait un truc déjà, il y avait une grille de A à Z, mais je la suivais, mais on la sentait peut-être pas autant que maintenant. Maintenant que j'en ai aucune, puis il y a quand même de quoi justement. Puis il y a pas de règle, en fond, il y a pas de mathématiques, t'as pas à tracer à la règle au centimètre, puis tout ça pour que ça fasse sens. Un peu l'idée de, mettons, d'un cercle, il n'y a pas besoin d'être parfaitement en vectoriel, c'est comme l'idée du cercle que tu dois comme retenir, en fond. Puis tant et son temps que c'est pas que t'es pas distrait ou que ça devienne pas une nuisance, il y a aucun problème à y aller comme rapidement, pas perdre de temps à faire un cercle parfait. Et pour cette auto-publication-là, je pense qu'on peut donner un peu plus de détails. Dans le fond, tu l'avais fait initialement lancer, offert du côté d'Exposine. Ouais. On parle d'un album auto-publié d'à peu près 48 pages. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça raconte? C'est quelle ambiance? Qu'est-ce que tu proposes un peu dans cet ouvrage-là? En fait, à la base, ça venait... En fait, la première histoire qui a été composée, ça venait d'une entrevue que j'ai prise dans un film de Les Blink, dans lequel Werner Herzog est interviewé, puis on lui demande quel est son on lui demande de parler de la jungle, en fond, comment il voit la jungle, puis qu'est-ce que, parce que lors du tournage de Fitzgeraldo, il se trouve en pleine jungle, puis justement la vie, puis finalement j'ai comme vraiment quasi littéralement copier-coller l'entrevue, sauf que j'ai fait une adaptation un peu décalée, puis ça devient vraiment autre chose, hein, qui a absolument rien à voir avec, je sais pas trop qu'est-ce que Herzog en penserait, mais ça, je pense pas que, mais quoi que. Mais ça devient un peu, en fait, un soutien pour les images, parce qu'au bout du compte, c'est d'abord et avant tout j'avais l'impression de ce que j'en ai vu, c'est d'abord et avant tout un objet visuel, puis ensuite, c'est un objet narratif, mais souvent, en fait, on dit c'est la narration qui supporte les images. Dans ce cas-ci, c'est plus l'image qui devient le support d'une certaine narration, ou la narration qui devient, comme tu disais au départ, un élément décoratif, un élément de composition. L'image au même titre que les dessins eux-mêmes. Mais tout à fait, c'est vraiment en fait, c'est quelque chose que je déplore en général de la BD, en fond, quand les dessins sont au service d'un, comme d'un truc préalablement écrit, là, comme rigide, tout ça, en fond, pas que, ben, en fait, c'est pas que je déplore ça, je vais pas dire n'importe quoi, c'est plaisant d'explorer autres lieux. Ça m'intéresse pas autant que partir justement purement du dessin, puis je trouve que les idées que j'obtiens en BD qui semblent les plus neuves, ça provient toujours vraiment d'une espèce d'improvisation d'un dessin qui tend à vouloir raconter, puis mélange tout ça. En fond, des fois, c'est juste le croisement de plusieurs idées, puis je me donne des contraintes, puis j'ai aucune idée où ça m'amène, mais les meilleures idées que j'ai eues, c'est quand, justement, j'avais pas d'idée. Hein. Puis à chaque fois que je semble avoir une bonne idée, ben, c'est toujours le pire truc que j'ai fait jusqu'à temps que je le travaille, puis comme que je m'acharne dessus, puis ça devient justement, enfin, pas mon idée du tout, là. Et tu disais tantôt, en fait, que tu avais une démarche un peu similaire au niveau musical, donc c'est-à-dire que les deux médiums et que ton exploration au niveau sonore, autant visuel, ça vient s'alimenter aussi l'un l'autre. Tout à fait, je pense que c'est pas farfelu de croire que... En fait, mon processus créatif est vraiment, vraiment, vraiment similaire sous bien des angles, en fond, l'idée de partir de du médium, en fond, plus, puis voir où ça m'amène... justement, je pense que c'est... En fait, je suis vraiment content de pouvoir croiser les deux, là, puis comme les notions de rythme, puis de composition, comme en général, je pense... en fait, je pense que ça m'a vraiment influencé, hein, comme... un peu comme l'idée de faire couler un peu dans la planche, de voir un peu que ça soit plus un flow à la limite. Tout à fait. Puis justement, le truc que je viens de compléter, Form Object, justement, ça s'apparente quasiment un album, en fond, c'est comme des strips comiques, en fait, un peu dans la veine de ce que, en fond, un peu les Moomins, en fond, dans le sens, c'est pas des gags à quatre cases, là, en fond, mais c'est un peu peut-être, ça tend vers quelque chose un peu plus substantiel, mais en même temps, ça dépasse jamais trois pages, là. Puis même si certains trucs font des fois écho à des planches plus tard, mais je trouve que ça file vraiment comme un album, je peux dire, comme des chansons, il y a quoi de... Je recherche un peu la même genre de poésie que je peux trouver quand j'entends une chanson, une poésie qui vient justement du médium, puis justement, t'écoutes une chanson, après ça, tu passes à l'autre, puis changer d'univers constamment, tout en restant quand même assez cohésif là, d'un morceau à l'autre. Et comment te forger un peu cette approche-là? Parce que c'est quand même un bout de temps aussi que tu dessines, que tu travailles côté illustration. Je me rappelle même, en fait, je pense qu'il y avait une espèce de campagne du lait en 2011 à laquelle tu avais contribué, que j'avais vu ton nom passer à ce moment-là. Ah ouais. Donc, comment ça s'est forgé un peu au fil des influences, j'imagine, aussi? Ben, je sais pas. En fait, dès que j'ai complété mon bac en 10 ans, je savais très bien que tout ce que je voulais faire, c'est l'illustration. Même avant de compléter, je veux dire, je faisais mon bac en 10 ans pour ça. Puis, j'ai jamais vraiment cessé faire l'illustration à mon rythme, puis faire mes recherches, puis justement, puis je pense que ça fait plus aucun doute que je suis véritablement passionné par l'illustration, puis la BD, peut-être un peu plus récent, la BD, mais quand même, ça fait un bout de temps que ça m'intéresse, mais moi, je sais même plus qu'est-ce que j'ai raconté, mais... Et dans le fond, l'idée c'est au fil des influences, au fil des contacts, au fil du travail, dans le fond. Mais pour ce qui est du travail, chacun des boulots que j'ai eus, ça venait vraiment comme de l'extérieur, comme je recevais un email, puis j'étais absolument heureux souvent ça a été des projets qui m'intéressaient beaucoup, je trouvais, puis puis ça a toujours été comme ça, mais éventuellement j'aimerais peut-être passer plus en mode attaque, là, développer plus dans des zones que justement j'ai qui m'intéressent précisément en fond. Mais il y a tellement de trucs qui m'intéressent, qui touchent, qui concernent l'illustration, purement en fait j'aimerais vraiment plus me consacrer à l'illustration, même si c'est une approche assez intimement liée à la BD, plus que ça va, plus vu que je sens que la BD influence, ben, j'ai du mal à faire la distinction entre les deux, dans le sens que je comprends qu'illustration c'est comme, je veux dire, c'est plus restreint à une image, mais ça raconte pas moins, en fait ça raconte évidemment moins que si tu lis un roman entier, mais c'est un peu le même genre de défi, mais moins lourd sur les épaules. Et si les gens veulent découvrir justement ton travail, autant côté BD, côté illustration, sérigraphie, peuvent aller à ta rencontre les 5 et 6 décembre au Salon de Nouveau Genre du côté de l'Église Saint-Fidèle à Limoilou. Et est-ce qu'il y a d'autres endroits aussi à Québec où on peut trouver ton matériel? Oui, en fond, j'étais allé en partie récemment où si les objets pouvaient parler. Sur la rue Dupont. Puis au premier issue aussi. Ouais, je pense que c'est pas mal ça pour Québec. Sinon, à Montréal, il y en aura au Drawn and Quarterly, que je m'en vais porter justement incessamment via. En tout cas. Et Mathieu Labrec, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Et nous, on repart maintenant en musique avec Drew Ezrix, un dernier extrait lors de cette émission. Cette édition de La Vie en BD, Raymond Poirier toujours avec vous, évidemment. Et maintenant, porte un regard sur un projet que vous avez peut-être vu passer, notamment sur les médias sociaux, sinon sur le site de l'Assemblée nationale du Québec, un projet de bande dessinée qui est lancé en route vers 2017. Alors, pour en parler un peu avec nous, pour apprendre un peu les éléments derrière cette proposition, on est en compagnie de Magali Paquin, qui est agente de recherche à la direction de la Bibliothèque de l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonsoir. Et au bout du fil avec nous, expert conseil en bande dessinée sur ce projet, le professeur de BD Michel Giguère, bonjour. Qui se sent en pénitence tout seul avec son téléphone. Et peut-être pour commencer, en fait, mettons les bases pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de voir un peu ça passer. Quelle est la nature de ce projet-là? En fait, c'est un projet, tu l'as dit Raymond, là, qui est prévu pour 2017. C'est-à-dire qu'on est actuellement en appel de candidature pour trouver des BDistes parce que l'Assemblée nationale projette faire un recueil de bandes dessinées dans le cadre du 225e anniversaire des premières institutions parlementaires et des premières élections qui ont eu lieu en 1792. Donc, en 2017, on souligne le 225e anniversaire et on a eu l'idée finalement de faire ça sous la forme d'un recueil de bandes dessinées, entre autres choses. Et j'ai découvert, justement dans le contexte de cet appel d'offres-là, qu'il y avait une bande dessinée qui a été publiée en 1792 pour les élections. C'est exactement pour ça, en fait, c'est ça qui nous a donné l'idée de faire un recueil de bandes dessinées, c'est-à-dire que cette bande dessinée-là qui a été publiée, qui est un petit placard électoral qui a été fait effectivement pour mousser la candidature de certains candidats au cours des élections, a été fait en 1792 et ce serait, à ce que l'on sait, la première bande dessinée francophone connue. Et en bonus, je pense que ça fait les candidats qui ont utilisé la BD ont gagné leurs élections. En bonus, ça, en plus. Ça montre la force du médium. Mais c'était une eau forte, en fait. Donc, on parle d'une version rudimentaire, si on peut dire, de la bande dessinée aujourd'hui. Mais quand même. C'est d'abord une double planche. Et ce qui est important, c'est qu'il y a vraiment une succession d'images qui crée une narration avec à l'intérieur des bulles. Et c'est peut-être un des avantages d'avoir été conquis par les Anglais, c'est que l'usage du phylactère ou de la bulle était très commune dans les caricatures au 18e siècle. Et tout naturellement, ben ils l'ont mis dans cette espèce de placard-là à l'attention des gens de Québec. Mais là, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a une suite de trois images, notamment, qui racontent une histoire. Donc, c'est vraiment, non seulement la plus vieille recensée à ce jour en français, avec des bulles, mais c'est sans doute une des premières, tout simplement. Et donc, on part de cette idée-là, on se dit, OK, il y a cet élément qui existe, qu'on connaît peut-être trop peu, justement, en dehors de quelques éléments encyclopédiques, et on transforme ça en opportunité pour souligner, donc, un anniversaire important. Effectivement, on fait, dans le fond, un double anniversaire, donc c'est le 225e anniversaire des premières institutions parlementaires et celui de, éventuellement, la première bande dessinée connue. Donc, on décide d'en faire un recueil de bande dessinée, et c'est là, finalement, qu'on a décidé de mettre de l'avant ce projet-là, et d'aller recruter des BDistes pour faire quatre récits d'environ 6 à 8 planches chacun. Et donc là, on est vraiment en appel de candidature pour trouver les BDistes qui vont nous raconter des éléments de notre histoire, de l'histoire du Bas-Canada. Et finalement, c'est vraiment, on souhaite, par ces bandes dessinées-là, créer une atmosphère, parce que toute la dimension historique ou factuelle va vraiment être donnée par des textes historiques. Donc, les bandes dessinées cherchent vraiment à développer une atmosphère. Moi, j'ai un message là pour les BDistes qui seraient éventuellement intéressés, ou même plutôt ceux qui sont un petit peu perplexes. Moi, d'abord, ils veulent recruter des BDistes, mais ils ont commencé par recruter quelqu'un du milieu, en l'occurrence moi-même. Puis déjà, cette initiative-là, c'était super parce que ça montrait leur ouverture et leur souci de pas être dans le champ, puis de toujours avoir leur juste par rapport à la réalité du médium et du milieu bande dessinée. Et à notre première rencontre avec l'équipe, j'ai tout de suite su qu'on était sur la même longueur d'onde. Et pour ces gens-là, qui sont des historiens et des recherchistes comme Magali, des passionnés d'histoire, ben la grande histoire avec un grand H, c'est constitué d'une multitude de micro-histoires, des moments qui sont tantôt anecdotiques, tantôt dramatiques, mais toujours pleins d'humanité. Et puis c'est un terreau fertile, c'est super intéressant pour qui aime raconter, en l'occurrence dans ce cas-ci, raconter en BD. Alors, c'est donc pour dire que les bandes dessinées n'auront pas à résumer tout un événement historique en entier, comme on a trop vu souvent dans des commandes de comme ça de bandes dessinées institutionnelles. C'est vraiment, ce seront des bandes dessinées de 6 ou 8 planches qui vont raconter un moment clé avec tout l'espace requis pour installer une belle mise en scène, une belle mise en page et, comme disait Magali, une belle atmosphère. Et il y a deux éléments que j'ai retenu un peu par rapport à ce projet-là. Le premier, c'est un peu face à ce qui est disponible. Il n'y a pas tant d'albums BD qui portent sur l'histoire du Québec. Il y a Radisson, il y a Légende d'un peuple qui est sorti l'an dernier. Il y a quelques histoires qui s'intéressent aux fantastiques québécois, que ce soit Sagana, la Bête du Lac. Mais donc, l'histoire du Québec n'a pas tant inspiré les dessinateurs d'ici jusqu'à maintenant. Ben écoute, moi, ben oui, il y en a eu un peu, puis moi, bon, je lève mon chapeau à des gens comme Jean-Sébastien qui raconte l'histoire de Radisson, parce que tu lis ça, tu te dis, mais ce gars-là, Radisson, c'est un véritable héros. Or, au Québec, on connaît même pas nos propres héros, on ignore même qu'on a eu des héros dans notre histoire, et puis des héros, des grands et des moyens héros, en fait, héros dans le sens où des gens qui ont changé le cours des choses. Et moi, en lisant, depuis que je collabore avec l'équipe de l'Assemblée nationale là-dessus, ben j'ai fait beaucoup de lectures, j'ai fait mes devoirs, j'ai lu sur cette époque-là, et il y a des événements qui se sont produits, qui ont été provoqués par des personnes extraordinaires qui ont résisté ou qui ont voulu changer le monde. Alors, il y a un matériau qui est vraiment intéressant, et moi, je lance le défi à ceux qui, justement, sont pas très versés dans l'histoire puis qui ont peur d'être un peu un peu dépassé. Ben non, au contraire, plongez là-dedans, puis vous allez apprendre plein de choses. Et l'autre élément, et ça je lance peut-être d'abord à Magali Paquin, au-delà de l'aspect historique de la première bande dessinée, qu'est-ce qui vous a amené sur la BD et qu'est-ce qui vous a fait remarquer qu'il y avait peut-être un médium, une possibilité de médiation possible à travers justement le médium BD? Parce qu'on parle, j'imagine, d'un public qui n'est pas non plus nécessairement le public traditionnel de la BD. Ben effectivement, on veut sortir un peu des ornières à la fois de, ben, en fait, nous, de notre côté institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a un certain type de publication qui est fait à l'Assemblée, de publication historique, donc plus justement avec des textes, des images, bon, quelques photos, etc. Mais là, on voulait vraiment sortir de cet espace-là pour s'ouvrir à un autre public, explorer un autre médium. Et je le souligne, je rebondis sur ce que Michel disait, on est allé chercher un expert en bande dessinée parce qu'on savait qu'on n'avait pas au sein même de l'institution l'expertise finalement pour faire un album de qualité professionnelle. On savait que la bande dessinée aujourd'hui, elle a atteint un niveau de qualité, de professionnalisme tel qu'il nous fallait un expert pour nous aiguiller à travers tout ça. Et c'est le rôle que Michel joue en ce moment avec nous depuis le tout début du projet, à nous aider à élaborer les grandes lignes du projet, puis éventuellement jusqu'à la fin là dans l'accompagnement finalement des BDistes, nous aider à faire le pont entre le monde institutionnel, l'Assemblée nationale et le monde de la bande dessinée. Et parlant d'accompagnement, Raymond, excuse-moi, mais c'est super important de préciser une chose un peu technique, mais qui peut changer la donne pour bien des BDistes qui n'ont pas que ça à faire, qui ont d'autres contrats, tout ça, et qui ils vont vouloir glisser cette commande-là à travers leurs autres échéances. C'est que, en travaillant sur ce projet-là, vous avez à votre disposition une équipe hors pair de recherchistes et d'historiens. D'abord, on va vous fournir, aux quatre BDistes retenus, là, on va fournir un dossier d'archives iconographiques et sur demande, au besoin, si vous avez besoin d'exemples d'architecture, d'objets, de vêtements, eh bien, les gens sont là pour faire les recherches de leur côté et vous alimenter en documentation. Alors, en fait, les gens ont jusqu'au 15 décembre pour soumettre un dossier. On l'a relayé sur le Facebook de La Vie en BD. Plusieurs l'ont relayé aussi, sinon on le trouve aussi sur le site de l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. En fait, je peux tout de suite dire l'adresse. En fait, c'est www.asnat.qc.ca/projet-bd. Et en fait, on n'a pas parlé des paramètres comme tels du projet, mais c'est quand même intéressant sur le plan de la rémunération. Donc, 1 000 $ par planche et vous pouvez avoir toutes les détails finalement concernant la réalisation, l'accompagnement sur le site de l'Assemblée nationale. Alors Magali Paquin, donc agent de recherche à la direction de la bibliothèque de l'Assemblée nationale, Michel Giguère, expert conseil en bande dessinée, merci à vous deux. Merci. Et Michel, nous on se dit à la semaine prochaine. Eh oui. Alors, et d'ailleurs, outre Michel, la semaine prochaine, on aura avec nous Michael et Luc Bossé. Alors, ben, c'était Raymond Poirier au micro. Ça a été un plaisir d'être avec vous cette semaine à l'émission La Vie en BD. Et on se dit à la semaine prochaine. Passez une excellente soirée sur les ondes du 89.1.